dangereux. Faut que je fasse rentrer de l'argent. Chérie, je fais ça pour nous rendre heureux. Papoter, arrête de papoter. J'essaie de papoter malgré que je suis coté. À le rappeler la cité, moi je veux rien regretter. Y'a toujours à éviter. J'ai ramené à ma mère et au bord de la mer. Tout en sachant que les femmes étaient maléfiques. À la base, on sort de la mer. T'as vu tout faux tout rond, ça c'est que dans l'été. Bébé, attends, je finis le couplet. Je te dis ce que j'ai à dire. Prends pas pour un teubé. Si je t'ai dit que je t'aimais, c'est que je le ressentais. Je vais plus me répéter. Et tu m'as rendu malade. Tu penses que tu pourras soigner mes balades. Et tu m'as rendu malade. Tu penses que tu pourras soigner mes balades. Tu feras le ménage dans sa palace. Un bateau dans les îles, on fera des balades. Et tu m'as rendu malade. Tu penses que tu pourras soigner mes balades. Tu feras le ménage dans sa palace. Un bateau dans les îles, on fera des balades. Vas-y, suis-moi, je te parle qu'une fois. Je me rappelle de toi, t'étais trop niant. T'es pas comme ces putes qui veulent prier. Toi tu vois moi je vois les billets. Pas besoin de bolide pour la cause. C'est ma chérie, c'est ma beauté. Pour l'instant je la mets sur le côté. Je vais pas tarder à la doter. On part sur la côte. De Monaco à Saint-Tropez. Elle fume pas de chicha menthe. Dans les coins côtés. Elle veut plus de moi frère, c'est la vie. Tu sais l'amour, oh, ça va vite. Tu trouves pas ta halal, regarde dans le carré VIP.